Je veux dire, même quelqu'un qui fait pas du rap, concrètement, faire quelque chose de propre sur du boom bap, c'est à la portée de tout le monde, entre guillemets, tu vois. Je peux te faire du boom bap, frérot, mais... Pas sûr, hein. Je suis pas d'accord. Non, voilà, je suis totalement pas d'accord avec ce que tu dis. Sur du boom bap ? Ouais, faire quelque chose de propre sur du boom bap, c'est à la portée de tout le monde. Je pense que faire quelque chose sur les prods, là, nouvelle génération, c'est à la portée de tout le monde. Mais sur du boom bap, faut être costaud quand même. Faut avoir quelque chose à raconter, tu vois. Je pense. Bah là-dessus, on n'a pas le même avis, gros. On n'a pas le même avis aujourd'hui du boom bap. Franchement, hein, tu regardes sur YouTube, des gamins de 3 ans, 4 ans, ils font du rap sur du boom bap. Après, aujourd'hui, y a beaucoup de rappeurs qui sont en train de se renouveler parce qu'ils se rendent compte que les mélodies, ça sert à quelque chose, tu vois. Et non, il n'y a pas tout le monde qui peut poser sur les prods d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de prods que j'écoute aujourd'hui où les gars sont au studio avec moi et ils me disent oh, mais la prod là, tu vas poser quoi dessus, etc. Puis au final, il sort un morceau qui est bien. Non, je pensais pas. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Le boom bap, tu vois, c'est plus accessible. Je pense que c'est plus accessible. C'est beaucoup parce que de toute façon, c'est la porte d'entrée au rap. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu dans les interviews, parce que moi, je suis un mec, je suis passionné. Je bouffe des interviews à longueur de journée. Les mecs, ils ont tous commencé avec du boom bap. Dans le sens où, bah, déjà, ça fait déjà un tri. Ça fait un tri. Déjà, si t'es mauvais sur le boom bap, frère, fais pas de rap, tu vois. Et ceux qui, mais je te dis encore une fois, ça a la portée de tout le monde faire du boom bap. Ça a la portée de tout le monde. Moi, je suis vraiment sûr à 100% de ça. Ça l'a porté tout le monde faire du boom bap. N'importe qui se pose, même s'il prend 3 heures au lieu d'en prendre une, à travailler sur le tempo, le moment où poser ses paroles, etc., telle ou telle rime, etc., ça l'a porté tout le monde, gros. Ok. Bah justement, je rebondis. C'est quoi tes influences ? C'est quoi ton... Tiens, BCT, c'est quoi ton âge d'or du rap français ? Moi, franchement, je suis très honnête avec vous, là. Moi, j'ai pas de cachette là-dessus. Et puis, ouais. je le dirais... J'ai aucune cachette, je préfère être honnête. Ouais. Si tu me demandes de citer des noms de rappeurs français, je vais connaître IAM, j'ai écouté le micro d'argent, tous les trucs comme ça. J'ai écouté, ouais. J'ai pas écouté tous les projets. Je peux te citer 2-3 noms, mais la culture du rap français, je l'ai pas. Okay. Honnêtement, je l'ai pas. Je suis honnête avec vous. Ouais, mais après, par ça contre, peut être influence Quinry à mort. Par contre, tu peux me demander aujourd'hui ce que tu veux sur le rap Quinry, je suis au courant. Je suis au courant. Depuis petit peu, je suis, okay. Je suis, tu vois. Et là, si par exemple, t'avais. Allez. Un artiste référence entre guillemets et un album référence là qui te viendrait et qui te corresponde vraiment musicalement, ce serait qui ? C'est dur de faire un tri. Ouais, tu peux me donner 2-3 noms au pire, tu vois. Moi quand on me demande si je devais laisser 3 rappeurs ricains en vie, généralement, mais après, je sais pas si vous connaisserez tous, mais moi, ça serait Trippie Redd, Playboi Carti et puis Gunna, je pense. Ok. Même si, voilà, Gunna aujourd'hui, c'est peut-être un fils de Young Thug ou je sais pas quoi, mais je pense, ouais, je suis vachement dans cette vibe-là. Je kiffe, okay. Je kiffe vraiment ce genre de bah, je sais pas si j'ai trop répondu à ta question, ouais, au final, mais si. Ouais, enfin voilà. Ouais. Et album référence aussi. Album référence, franchement, moi, c'est lui qui. Vraiment, un album. Je vais te citer 3 autres albums Quinry que j'ai saigné, mais qu'on n'a pas forcément de rapport. C'est Barter 6 de. Young Thug. De Young Thug. Yes. 2015. Comment ? 2015. C'est ça. Long Live ASAP de ASAP Rocky, qui je pense est un album que j'ai saigné le plus, parce qu'à chaque fois que je prenais le bus, genre, je le mettais en boucle. Ça, j'ai saigné. 2015 aussi. Voilà, grosse dinguerie. Et puis en troisième, moi, il y en a que j'ai bien mangé. C'est Life is the Trip de Trippie Redd, qui est sorti il y a un an et demi. C'est pareil, c'est un mec qui fait plein de mélodies, va chercher des trucs où on l'attend pas forcément. J'aime bien. Mais tu sors quand même des... Je suis pas vieux, hein, j'ai 27 ans. Oui, ça reste mais récent là, sors, ouais, dans les influences. C'est des gens après, qui sont nés hier. Si vraiment tu veux savoir aujourd'hui ce qui m'influence depuis petit peu, c'est ce que mes parents écoutaient. C'est ce que, encore une fois, ma soeur... Moi, j'ai été bercé, par exemple. Moi, j'ai saigné... Tes parents écoutent du Peura ? Plus du R&B. Okay. Plus du R&B, tu vois. Donc, R. Kelly, Justin Timberlake, je saignais quand j'étais petit, fan. Tout ce que pouvait faire Timbaland. Après dans la musique hors R&B ou quoi, bah après il y a tous les Econ, j'étais fan des Eminem, 50 Cent, tous ces gars là bon voilà, mais après il y a aussi, j'ai écouté beaucoup d'autres sons type Pink Floyd, c'est vaste, mais tu le retrouves peut-être quelque part aussi dans mon univers, dans certains morceaux où c'est des trucs un peu planants, je vais chercher un peu des instruments un peu planantes pour me, peut-être je me sens bien dans ce genre de bail, tu vois, c'est voilà. Okay. On est encore dans les influences. Moi quand j'ai écouté, j'ai dit non, pas maintenant. Quoi? Justement, je vais lui poser cette question après. Je sais ce que tu vas dire, je te connais. Qu'est-ce que je veux dire? Je te vois là avec tes grandes joues là. Non, attends, c'est prévu pour après. Je sais ce que t'as. Vas-y, dis-le. Vas-y, c'est bon, on va voir après, tranquille. Ok, d'accord. Tranquille. Mais je sais ce que tu allais dire. Non, vas-y. Du coup, je rebondis. Tu parlais de délire planant, tout ça. Mm-hmm. Et du coup, moi, j'avais la ligne. Mm-hmm. La ligne. Ouais. Plusieurs fois, je te vois, Sprite, tout ça. On t'a un peu coloré. Voilà, on t'a un peu coloré le studio exprès. Ouais. Bah, si tu veux, Pink Band, ça traînait un peu aussi là-dessus. Ok. Un truc un peu rose. Enfin, on a pensé soit ça, soit un flamant rose, style gonflable. Ouais, fort, c'est stylé. Non, ça, c'est... Si tu sais ce que c'est, c'est une boisson édulcorée. Voilà. Énergisante. Énergisante. Et ouais, si tu veux. Ouais. Après, c'était un petit peu la mode pendant une période. Les gars prenaient un peu ça. Buvaient un peu de ça dans leur soda. Je l'ai eu fait, tu vois. Comme, mais moi, c'est pas mon truc, tu vois. Okay. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ouais, je fume un peu de pédro. Mais c'est tout. C'est ça. Oh, putain, ils sont là. Non, mais t'as capté. Voilà, moi, je me limite à ça. Ça me va très bien. Je suis très bien là-dedans. J'ai eu vu des mecs à cause de ça qui ont fait des mauvaises expériences devant moi. Donc, moi, tous ces trucs-là, je laisse loin. Tu vois. Et pour passer, je ne citerai pas de nom, mais j'ai déjà été. Même encore récemment, j'ai été à Paris en soirée avec des rappeurs qui aujourd'hui ont vraiment une grosse place sur Paris. Il y en a qui revendiquent encore aujourd'hui, tu sais, de prendre de la ligne dans leurs clips, ils mettent de la ligne, mais qui n'en prennent plus. Ils le disent pas devant les gens, mais si tu veux, c'est pour l'image. Ça fait partie de l'image, si tu veux, parce que ça fait partie de la scène Quinry, Atlanta. Voilà, la ligne, le Purple Junk avec les bonbons. C'était débile, mais vas-y, les gens ont attaché ça à moi. C'est pas grave, tout ce qui se rattache à moi, ça peut être bon. Hein, donc, de toute façon. Voilà. Après, quand on blase, c'est Pinkman, gros. On peut rattacher différents trucs, tu vois. T'as capté. Normal. Normal. Je l'ai pas cité tout à l'heure, mais voilà, vous en parlez. Voilà. Regardez Breaking Bad déjà, après vous comprendrez un petit peu plus. Bien sûr. Écoute, moi j'avais terminé ma petite rubrique de questions en vrac. Je voulais faire un petit big up en passant, parce que là je vais passer un morceau. Donc c'est essentiel. Ouais. C'est en featuring avec Jody. Avec Jody. Donc Jody, je lui fais un big up en fait parce qu'on se connaît via les réseaux, tout ça, on se connaît un peu. Je sais. Jody pas gentil. Tous les Jody. 22h. Tous les Jody, 22h. Ah là là, j'ai envie de te check de loin, mon gars. Voilà, donc je voulais faire un petit big up à Jody. Voilà, je lui ai dit que t'étais l'invité de ce soir, qu'on allait passer le morceau. Donc le son, c'est essentiel. Et en plus, dans le son... Lui là, tu vois, Renoir avec des locks, tout ça, il a mis une chemise asiatique là, tu vois, de kung fu là. T'as capté. Ah là là, mais encore plus, je le passe encore mais plus. Mais lui, c'est un fou. Mais quand tu dis big up, franchement, ouais. Bonne personne. Il fait un clip avec un bol de riz, il va te le passer directement. Ah bah direct. Je le mets 4-5 fois dans les playlists, gros, t'inquiète pas. Mais là, quand, juste une petite question comme ça, parce que quand on passe des trucs, est-ce qu'il faut dire là, ça sème? Ah oui. Là, parce qu'on passe des sons, tout ça, face à. Est-ce qu'on dit l'assassin? Est-ce que t'es à l'assassin ou pas? Ben, si tu veux, officiellement, oui, j'y suis. Enfin, moi, en mon nom. C'est propre, bizarre. J'y suis pas. Non, en mon nom propre, si tu veux, j'y suis pas, mais j'y suis via la maison de distribution par laquelle je passe. Si tu veux, qui distribue mes morceaux. Okay. Donc, si tu veux, ça passe par leur assassin à eux, et eux me reversent mes droits. Des histoires de Shug Knight, tu vas jamais rien voir. Ah bah bien sûr que si, gros. J'ai des virements tous les 3 mois de ce que je touche. J'ai des tableaux suivis tous les mois et t'envoies des suivis sur tes trucs. Tu sais, c'est des trucs carrés, tu peux pas te faire niquer là-dessus. Après, l'assassin, là, justement, vis-à-vis de ce qui se profile, on va être obligé d'y passer. Justement, via mon manager, on va s'inscrire sur tout ça. Et c'est juste une petite question avant que tu lances le son. On l'a vu qu'on parlait un peu d'argent, tout ça. Ton manager, il est pas là, donc vas-y, je vais passer par toi directement. Je suis président de Def Jam Besançon. Mm-hmm. Là, DFB. Motherfucker. Je suis là, tag, Pinkman. J'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ton univers. Mais je veux que tu fasses... Il y a quoi comme type de rap que t'aimes pas? Du boom bap. que j'aime pas. Je dis pas que c'est mauvais, mais que j'aime pas. Oui, que t'aimes pas. Voilà, que j'écoute pas plus que ça. Je vais te citer... Chico Baladé. Non, j'aime bien. Big Flo. Oh, ouais, parfait. Big Flo, oh, nickel, on va s'entendre. Big okay. Flo et Oli, ouais. Président de Jeff Jam Besançon. On va élargir ton public dès ce soir. T'inquiète, t'inquiète pas. Je te signe un contrat, je te mets 1 million d'euros. T'arrêtes de faire tes conneries là, de Pinkman, machin. Tu fais du Big Flo et Oli. 1 million d'euros. 1 million d'euros ? Ouais. Non, je le fais pas avant. Ok. Je peux te le jurer sur ce que tu veux, pour 1 million d'euros, je le fais non, pas. Non, non, j'ai pas besoin que tu me jures, j'ai juste. Ok. 1 million d'euros, je le fais pas, gros. Non. Non, je préfère faire ce que je veux. Et si jamais ma musique, comme je la fais, ça marche pas, ben frère, je suis dans le commerce. Je vais dans le commerce. Tu vois ce que je veux ? Tu fais quoi comme commerce ? Je suis dans la vente, je fais du porte-à-porte, frère. Okay. Ah, pas, pourquoi pour du gaz ? Ouais, ça y est, non, lui, non, comment ? Ah, non, mais vas-y. Excuse-moi, on est en antenne. Mais vas-y. Non, mais on en reparlera. Ouais, on en reparlera après, ouais, mais... Ouais. Non, mais du coup, tu refuses 1 million. On va faire des séminaires ensemble ? Ouais, je refuse 1 million. Tu refuses 1 million ? Je refuse 1 million. Ok. Tu refuses un million. Après, ah non, mais c'est oui ou non, c'est binaire. S'ils me disent, tu fais un morceau comme Dick Floyd. Non, ah ben, c'est toute ta carrière. Ah ben, toute non, mais tu, ouais. Attends, tu touches 1 million genre à la signature. Non, mais après, tu touches tout le cachet qui touche ouais. Tout le temps, tout ça. Non, non. Tu restes comme ça. Ouais, ils peuvent se torcher avec leur truc. Ok, ouais, c'est noté. Yeah, comme... la 25. Oh. Comme... Non, mais en fait, juste pour terminer, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de faire un rap que j'aime. Si j'aime pas le rap que je fais, si je prends pas de plaisir à l'enregistrer, tu sais que je peux pas. 1 million, tu peux mettre des gens à l'abri, tu sais, tu les abris. Les tantines, la tantine à l'abri, les cousins apparaissent. Non, mais tu glisses ça, tu fais un placement. Après, c'est juste 1 million, c'est juste tiens, à becter. Hey, t'as dit non. Bah, écoute, non, force. Bah, si demain, le commerce, frère, ça marche pas. Tu vois que ça marche pas. Ben bah, ouais, peut-être. Je dis pas si demain j'ai vraiment besoin du rap. Que le rap, c'est vraiment mon plan X. Que, voilà, Pinkman. La question, c'est là, tout de suite, là, je sors non, la mallette. Là, tout de suite, non. Là, tout de suite, non. Sors la mallette. Là, sors la mallette, range-la. Les billets, là, sous le nez, comme ouais, ça. Bah, sors la mallette, range-la. Bon. Ok. Non, gros. Ok, au moins, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ok, les gars. Bon, range ta mallette. Besançon, rentrez chez vous, là, dans vos locaux, là. On reviendra. Locaux des locaux. Écoutez les gars, je vais passer le son essentiel du coup. Éclaté. En feat avec Jody pas gentil, date de il y a 9 mois celui-là, c'est ça. Donc toujours un peu plus récent. Big up à Jody au passage, il est 23h12, on est toujours sur Radio Sud 101.8 radiosud.net, l'émission spéciale Pinkman. Jody, c'est parti. C'est super. Aïe. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao. Jounès 22h minuit Radio Sud.net 101.8. Ça se fera vite, je mets un bif et il tire depuis un scooter. Ah, je vais laisser un petit coup de cœur. Elle se tombe si elle laisse me mettre la douceur. Bitch, m'envole comme un hélico. Chérie, calme, toi qu'elle lume, j'ai 3 bigots. Shout-out mes chicks qui m'écoutent puis mes records. On fait des bails américains, consomme des produits médicaux. Bitch, fume, j'suis ni dans le ciel. La majorité de ma life reste la confidentielle. Elle m'a dit qu'est-ce que t'as, j'lui ai dit restons seul. Je sors du jet lag, la suite est présidentielle. T'es mal à vite, baisse même pas la vite. Elle s'en va lisse, surtout t'en mets pas du business. Diminue la ligne, j'peux pas y laisser la vie. Sans ta tristesse, me changerai pas d'avis. J'ai un abrec, mais j'suis pas le seul. Tu vois ce qu'on fait, tu le dis pas, mais t'as grave ça. J'suis sur la scène, bitch, moi j'ai pas le temps. J'mets la scène, j'allume un truc qui n'a pas de taille. Ah, bitch, j'suis ni dans le ciel. Le squad dans le présidentiel. Bitch, j'suis ni dans le ciel. Si tu kiffes, bitch, c'est l'essentiel. Avec Big Man, on cuisine la merde. J'ai le line si tu veux me la mettre. Cocaïne à bouche des artères. Et ça m'empêche pas de dormir, bébère. J'cours après la moula comme mon père. À 16 ans, j'conduisais sans m'y perdre. J'avais déjà une voiture quand toi t'avais pas. J'ai une comme un enfant de la rue qui pique grave de la pure. L'amour ça tue, l'amitié aussi. J'ai ta la lumière quand je baise une gothique. Pour un boutique, pour du Gucci, ça fait rap, pam, pam, pam. Et on passe à la suite. À 5 étoiles, bébé, j'ai mis les voiles. Comme femme qui se préserve pour le mariage. Sur le rivage, demande pas mon âge. Menotté par l'argent, car je voulais l'argent. Et la chaîne en or, la médaille de bronze. J'ai dormi dehors, client veut sa conce. Toc, toc. C'est pas la poste, mais noté par l'argent. Car je voulais l'argent. Ils sont finis dans le ciel. Je crois dans la présidentielle. Et je suis fini dans le ciel. Si tu kiffes, lui, c'est l'essentiel. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. J'ai imité la fin du couplet de jeudi. Jeudi pas gentil. Voilà. C'était quoi? C'était quoi? Il est tombé. quand tu meurs dans Mario Bros. Ah, enfoiré. Gamin. Voilà, on est des gros gamins, on est toujours dans la 25e jusqu'à minuit avec Pinkman. Bon, écoute, moi je voulais revenir un petit peu aussi sur tes projets, donc notamment les mixtapes. Si je me trompe pas, il y en a eu deux. Dernièrement, oui, il y en avait eu deux. Il y en a eu deux. Ouais. Moula Maker et Safe. Voilà. On est bon. Mmh. Okay. Il y en a qui sont sortis avant. Ok. Mais c'est pareil, c'est des trucs d'essai, c'est vieux. Ok. Ouais. On même ceux-là, mais voilà. Donc si je te dis Moula Maker. Ouais. Ça date de quand? 2017, 2018, par là. Je sais pas, je te demande. Si, 2017, 2018, je crois. C'était dans la période de transition, je suis sorti janvier 2018, je crois. Ok. Donc c'est ça, enregistré 2017, sorti 2018. Tout fait chez toi? Tout enregistré au studio, ouais, chez moi. Ok. Et puis Safe, celui qui est sorti donc en début d'année, cette année 2019, en janvier 2019, tout enregistré chez moi aussi. Ok. Voilà. Qui s'occupe des mix, qui s'occupe du master? Je fais tout, gros. C'est toi qui fais? Je fais tout, gros. Putain, c'est lourd. De A à Z, gros. Ok. Bien joué, hein. Donc ça veut dire que toi, t'es derrière le micro et derrière l'ordinateur c'est aussi. C'est ça. Après, okay. Des fois, j'ai la chance d'avoir des potes qui sont là juste pour appuyer sur les touches, pour m'enregistrer, okay. Pour relancer, etc. Okay. Et écrire. Quand t'as pas le temps de rentrer dans non, la cabine. Non, t'es fou. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Ouais. Ok, parce que moi, dans mon truc, quand j'écoutais les trucs, je me disais, ben, tu sais, il doit enregistrer chez lui, et après, il envoie ses pistes, non. Et quelqu'un s'occupe de ça. Non, c'est moi qui fais tout. Ok, lourd. Moula Maker, combien de titres? Il y avait 13 morceaux dessus. 13 morceaux. 13 morceaux. Safe, combien de morceaux? Il y en a eu... Ah, je te dis une bêtise, excuse-moi. Moula Maker, il y en avait 9, et 9. Safe, il y en avait 13. Voilà. Okay. Il y en avait 13 sur... Ouais, sur Safe. Voilà. Quelle évolution il y a eu entre les deux? Parce que, enfin, je te pose la question, parce que je regardais un peu ton Insta, tout ça, et tu vois, quand t'as annoncé Safe, 10. T'as mis la pochette, tout ça. Ouais. Lourd, la pochette lourd. Mais t'as mis à des années-lumière de ce que j'ai fait jusqu'ici. Ouais. En arrivant avec Safe. Ça veut dire il y avait combien de temps entre Safe et Moula Maker, tu m'as dit? Entre les enregistrements, un an. Un an. Un an, ouais. Ouais. Donc, quelle évolution il y a eu en un an entre les deux projets? Ouais, je ne vais pas parler de stream ou quoi, mais en termes de travail, il y a eu clairement une évolution entre Moula Maker et Safe. Quand tu les écoutes, tu sens que déjà rien qu'au niveau du travail sur le logiciel, au niveau de la gestion des voix, de la gestion, rien que ça, c'est un petit détail, mais ça, j'ai progressé aussi. Ça c'est pareil, j'apprends sur le tas. Et puis au niveau des paroles et au niveau des flows, surtout au niveau des flows, les mélodies, les trucs comme ça. Parce que moi c'est ce qui fait mon beurre un peu, c'est les mélodies, c'est voilà, moi c'est pas les paroles, je travaille dessus là, les trucs que j'ai enregistrés dernièrement là, c'est vraiment c'est pareil, j'ai chopé une maturité je pense au niveau des textes. C'est pas encore sorti. OK. C'est pas encore sorti. J'ai chopé une maturité au niveau des textes. Et même par rapport à Safe, à celui qui va arriver, c'est encore à des années-lumière de Safe, il y a eu une progression. Non, mais très bien. Là, tu disais que tu faisais un effort sur les paroles, mais c'est pas méchant ce que je dis. Mais moi, je pense que tu es plus un artiste de vibe, je sais pas si ça se dit, ouais, encore, si, vibe. Si, de flow, ouais, plutôt que de paroles en fait. C'est parce ça. Que je me suis concentré sur une musique entière à écouter tes paroles, enfin à essayer de comprendre tes paroles. Et j'ai arrêté, je me suis dit non, faut pas, c'est pas ça en fait. C'était sur lequel merde, je sais plus. J'étais en train de jouer à FIFA en même temps, donc je sais plus exactement le titre. T'es bien concentré, tu peux toi. Pas, tu peux pas écouter jouer à FIFA, frérot. Ah, fais attention, attention. Tu sais, tendre le bâton. Non, pour Big, Big Man, Big Man. Big Man ou Big Ben? Non, Big Man. Tu fais la rime avec Big Ben. Voilà, c'est pas une critique. Hein. Après, voilà, y a, non, c'est on vrai. Écoute, non, après... on écoute de la musique, soit pour s'amuser, soit pour apprendre des trucs. Mais après, je te jure, c'est vrai qu'écouter Medine à l'ancienne, où il te. Ah, ça rend ouf. Où il t'apprend, il te lit le livre d'histoire géo, ça rend ouf, tu vois. Mais là, je me suis dit, vas-y, viens, je vais essayer d'écouter ce qu'il raconte, le bonhomme. Tu vois. Et j'ai pas compris ce que tu racontais. Mais si tu veux, il n'y a pas de. J'ai déjà fait des sons où je raconte quelque chose. Genre Gizmo, par exemple. Je prends cet exemple parce que Gizmo, il aime encore bien faire ça, des sons. Sur lui, parler de sa vie, etc. Moi, c'est pas des trucs qui m'intéressent, en fait. Ah non, oui, je préfère donner, tu vois, justement, des petites salves comme ça dans les morceaux de trucs. Je vais dissimuler 2-3 trucs sur ma vie privée, vite fait. Ah. Et le reste, je fais du lecoré autour. Ah non, mais oui, non, mais c'est pas. C'est ma. Ouais, c'est ce que j'ai compris de toi. Bien sûr. Je me suis dit, vas-y, tiens, je vais. C'est comme un jour, je vais essayer d'écouter Medine en me disant, vas-y, swag. Mais ça a pas marché. Ça marche pas, bien sûr. Voilà. Ben moi, je suis plus, comme tu dis, swag. Moi, je suis plus dans ce délire-là que les paroles. Voilà. Je te jure, on l'avait remarqué à la tête. Il faut. Je rebondis encore. Bah oui, bang, je rebondis, bang. Je rebondis sur ce que vous dites. Parce que moi, c'était pareil en écoutant. En écoutant, t'aimes bien, tu sais... mâcher tes mots, tu vois. Enfin, pas mâcher, mais en mode presque yaourt, tu vois. Et je vois que au fur et à mesure du temps, bon, il y a eu un clip, si je me trompe pas... Dans la caravane? Non, c'est pas celui-là. Il y a eu un clip, je crois, c'est dans Limit. Je sais plus si c'est... Ouais, si c'est Limit ou No Life, c'est un des deux. Ouais. Où tu avais mis les déjà les comment ça s'appelle les sous-titres. Les sous-titres, voilà, ouais, déjà, ouais. Tu vois. Ouais. Et là déjà je voyais un peu plus clair parce que non mais sérieux, je comprends, ouais, sérieux. Je comprends. Parce que elles sont là pour ça, tu vois, comme un des 3 derniers morceaux que j'ai sorti, c'est le No Life, j'ai mis les paroles dessous. Voilà. Ah oui. Bah c'est celui-là, je crois, en jaune, ça. On les a lu en portugais. J'ai mis les paroles non, elle est pas en portugais là. Non. Ah mais on les a lus en portugais, ah, c'est il possible. Y avait ouais, on m'a dit que c'était écrit en portugais. Donc du coup, c'est qui fait qu'on peut en portugais. Et en fait, tu vois, rien qu'en faisant ça, même si t'es là en mode yaourt et tout, tu vois, t'arrives à capter un petit peu dans quel mood tu es. Mais c'est ça pour faire une petite comparaison, je suis pas un ovni là-dedans. Ouais. Tu prends bah, ce que je te citais là tout à l'heure. Tu prends Playboi Carti, c'est le roi pour ça. Tu prends Gunna, Young Thug, c'est tous des gars, ils mâchent leurs mots. Et aujourd'hui, moi, un mec en francophone, je pense que ça fait partie des mecs que j'écoute le plus, Hamza. L'avait vu. Frérot, t'écoutes. Mais après, c'est parce qu'on a les mêmes, influences aussi. Hein. C'est pas lui qui m'influence. Hein. C'est pas les mêmes influences. Mais sur le. J'écoute beaucoup. Il y a beaucoup de trucs que je comprends pas non plus. Mais moi, fondamentalement, j'écoute pas ça pour comprendre quelque chose, tu vois. Question à 10 balles. Vas-y. Pourquoi tu te casses les couilles à écrire, en fait? Pourquoi? Bah, tu sais, si tu t'en fous, pourquoi tu fais pas juste de la vibe, quoi? Je te lance sur un nouveau, genre, parce que, en vrai. Que, non, parce que la vibe, elle vient aussi, que tu le veuilles ou non, des paroles que tu vas porter. Ouais, des mais rimes tu mets, que tu vas porter. Mais des bouts, tu fais des musiques en yaourt. Tu te lances sur un nouveau bail. Il y a 2 ans ou 1 an, il y a le mec là qui a fait. Après, tu Big suis Shark, ou tu là. Fais pas. Hein. Ah, Big Shark. Ouais. Big Shark, là. le mec, il a mis sa mère à l'abri avec sa connerie, tu vois. Ouais. Donc, je te lance sur un sujet. Non. T'as plus besoin d'écrire. Ouais, essaye toi, moi je. Non, ça. Vas-y, toi. Allez, viens, on est bien. Non, vas-y. Ok. Voilà. Non, enfin voilà, moi c'était pour revenir jusqu'à. Ben, Hamza. On écoutera ça après, mais pour moi par exemple, le dernier morceau que t'as sorti, enfin le dernier clip que t'as sorti. Minimum. Ouais, ben on le passera vraiment en dernier, tu vois. Ouais. Ben là. Là, on y était, je comprenais tout, machin, j'étais là, ah, j'écoutais les rimes, machin, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme Virgin aussi. Ouais. Virgin aussi, voilà. Je comprends. Virgin, c'est la caravane, ça. Ouais. Bah, je connais quelqu'un dans mon entourage, je citerai pas de nom, il est en face de moi. Non, il m'a dit... Quel bail, quel bail. Il m'a dit, en fait, depuis, bah, depuis le clip à la caravane, on comprend ce qu'il raconte. Ouais. Parce que, en fait, justement, ceux-là, ils vont faire partie d'un projet. C'est celui-là où je vous dis, il y a eu pas mal de progrès. Ah putain, alléluia. Ok. Non, véridique. Moi, je l'ai dit. Après, les deux derniers faut du temps. Hein. Tu vois, je vais aussi sur la capitale pour ce genre de choses. Parce que c'est des choses. Pour apprendre à parler ? Non, pour apprendre à gérer tout, gros, au niveau du studio, voir comment les gens ils font, regarder tout. C'est... Ouais, mais c'est pas le studio, c'est pas l'ingé son qui va te faire articuler. Ouais, mais après, c'est aussi une manière de. Quand je suis devant le micro, frérot, tu vois, là, je rappe de la même manière que je te parle. C'est juste le micro, il va capter ou pas en fonction des effets que tu vas mettre sur ta voix, il va capter toutes les syllabes ou pas. J'aime bien ta pirouette, j'adore. C'est pas une pirouette, gros. C'est pas une pirouette. T'es un ingé son. Tu sais faire un peu ? Ah non, pas du tout. Ben voilà, moi je le suis presque, donc je sais de quoi je parle, gros. J'aime bien. Ben voilà, je le suis presque, donc aujourd'hui je sais de quoi je parle. Quand tu mets un certain réglage sur ton logiciel, tu vas tout comprendre. Il suffit que tu rajoutes une reverb et un écho mal placé et on va pas comprendre. Mais moi, quand c'est mal placé, des fois ça rend bien, donc je le laisse comme ça. Et des fois tu vas pas comprendre. Après, encore une fois, je les sors comme ça. Les sons ils marchent, donc c'est que ça plaît quand même aux gens, tu vois. Okay. Et encore une fois, il y a une ribambelle d'artistes qu'on peut citer qui ne font pas de la dictée phonique et qui font des disques d'or et qui mettent leurs proches à l'abri sans faire du yaourt. Bien sûr. Mais c'est un projet sur lequel je te lance, hein, si jamais. Crisky papa. Fais croquer, hein, si commence jamais. Commence comme ça, t'es sûr. Si ça pète. Sûr, t'as 1 million, 2 millions, facile. Ah. Fort. Ouais, Moula Maker, Safe, l'évolution, les feats. Ouais. Les featuring. J'ai vu Macaque. Ouais. J'ai vu Jody. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que tu es ouvert ? Est-ce que tu es en mode non, moi je fais pas de feat, tu vois, moi je reste. Si tu veux, moi c'est pas une décision que je prends tout seul, c'est une décision que j'ai prise aussi avec mon manager, parce que c'est des choses que je peux pas réfléchir. Enfin, c'est pas des choses que je peux décider tout seul, puis c'est des choix, je pense, qui me sont logiques. Aujourd'hui, je suis plus dans une politique où si je dois faire des feats, vu le temps depuis lequel je travaille, il faut que ce feat il m'apporte quelque chose. Ok. Tu vois, je suis honnête avec toi, je vais pas te dire. Après, Macaque, si tu veux, c'est un pote. J'aime beaucoup le son qu'il fait. Ouais, le son est bon. Hein, le son est bon. Et je vous dis, si tu veux, en termes d'audience, il n'était pas mieux placé que moi. Mais il avait quand même une bonne petite fanbase. Il faisait du bon son. Donc, ouais, vas-y. Moi, j'ai, il ouais, faut que ce soit donnant-donnant. Il ouais, faut que ça soit donnant-donnant. Ou que, voilà, tu vois, c'est... Ok. Faut que ça t'apporte quelque chose quand même. Yes. Ouais, bien sûr. Bien sûr, faut que ça m'apporte. Non, mais je veux dire, par exemple... C'est normal. Là, il y a un jeune, là, il passe à la radio, il écoute tes sons, tu vois. Il vient, il se pose avec nous, il écoute, il kiffe. Après-demain, il t'envoie un DM et il te dit « Ouais, moi, je fais du son aussi, tu vois, dans ton délire et tout. Est-ce que... » C'est pareil, là, je pourrais te sortir une pirouette pour pas répondre, mais je préfère être honnête avec toi. Franchement, je pense pas, gros. Ok. Je pense pas parce que, encore une fois, le taf et le rap, quand t'es investi comme je le suis dans la musique, où tu te couches à point d'heure alors que le lendemain, tu te lèves à 6 pour aller taffer, gros... Ben, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si on fait un feat, toi et moi, faut que derrière ça me rapporte. Okay. Faut que ça me rapporte en audience, faut que ça me rapporte en ce que tu veux, mais faut que ça me rapporte. Et si ça te rapporte en argent ? Par exemple, on prend le même rappeur. Et il vient. Non, il non, vient, non, on, il prend, vient... on prend pas le même rappeur. Tu connais un peu les rappeurs de la région locale ou pas ? Non, les rappeurs de la région, je connais. Ok, on prend le. Vas-y, imaginons, il y a un rappeur que tu trouves extra nul dans la région. Pété, nul à chier. Éclaté. Ouais. Éclaté au sol, comme on dit. Il vient et te dit, écoute Pinkman, j'aime bien ce que tu fais. Il est éclaté, hein. Je te donne 5000 balles, on fait un son et un clip. 5000 balles. En sachant que là, tout à l'heure, tu parles quand même des valeurs du travail, tu te lèves à 6h du mat, tout ça, blablabla. 5000 balles. C'est pas tout le monde qui fait 5000 balles. Ouais, moi, 2005, on fait un morceau, mais pas de clip. Non, là, c'est le pack 1005 ouais, avec bah, non, bah, 5000 avec morceau, clip, et tu le partages dans tes réseaux. Eh ben frère, le pack, il le prend, puis il repart avec, c'est pareil. Okay. c'est pareil, gros. Ok, crache beaucoup sur l'argent, toi. Non, c'est pas que je crache sur l'argent, gros. C'est juste que je crache pas sur le temps. C'est juste qu'aujourd'hui, le rap me rapporte pas autant que le travail. Non, c'est normal, on est bien d'accord. Je te dis 5000 balles. Hein. Non, mais je suis d'accord, gros. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est que le truc avec la musique, c'est que tu peux faire un morceau qui peut te flinguer tout ce que t'as fait avant. Bien sûr. Qui peut te flinguer tout ce que t'as fait avant. Alors, moi, si tu veux, je préfère focus sur le travail. Finir tard, tu vois, faire le taf qu'il faut. Puis quand je rentre, me focus sur un son qui va marcher. Je veux pas faire du son. La musique, je l'ai pas faite dans le but. Je veux me faire de la maille. Ça, en fait, c'est mon mot d'honneur. C'est mon mot d'honneur. Tout le monde le sait. Mon manager, il le sait. Je vais pas dans la musique pour faire de la maille. Dans le premier but, moi, les 3-4 premières années, moi, je veux m'installer. Okay. la maille pour le moment c'est voilà tu vois je te dis je travaille machin j'ai pas je travaille gros. Ok. Donc pour le moment voilà j'arrive à payer mon loyer frère j'arrive à faire mes cours j'arrive à manger j'arrive à j'ai pas besoin de plus je ferais quoi avec plus de thunes gros. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que le personnage de Pinkman c'est pas est-ce que toi t'es Pinkman toi en personnel. Pinkman, non. Pinkman, c'est la personne que je serais si, si j'avais percé totalement dans le rap. Okay. Demain, si je perce totalement dans le rap, Pinkman, ça sera moi. Tu tues ton toi ? Quand je suis la journée, ouais. Non, quand, je tue pas mon moi, parce que justement, le, l'entourage, la famille, tout, ça te permet de rester toi. Okay. Tu vois, je pense, ça c'est sûr, c'est pour ça que je garde les mêmes personnes autour de moi. Après, pour le reste... Non, je pense que voilà, quand je suis au travail, Pinkman il est en off et puis, ouais, bien sûr, et puis c'est ça, tout. Voilà, tu vois, c'est. Ça peut arriver. Heureusement, bien sûr. Donc non, non. Après, mais si demain j'ai plus besoin d'aller au travail parce que si tu veux la musique ça marche, ça sera Pinkman qui sera en on tout le temps. Quoi. Voilà, 100%. Ok. Voilà. Il aura pris possession de ton corps. Totalement. Ok. T'as encore des questions, Chao ou... Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein. Là, je voulais juste passer. Je sais pas si je le dis, soit V-Boy. Suave Boy et Big Man. Je voulais passer les deux sons là, donc respectivement il y a 8 mois, il y a 7 mois. Mm-hmm. Donc là on revient encore petit à petit jusqu'à minimum. Je voulais faire un spécial big up pour Big Man parce que le délire avec le journal, tout ça là dans le clip là, franchement c'est lourd de ouf. Merci. Donc tu diras aux gars, faut qu'ils continuent à faire ce qu'ils font parce qu'ils le font bien, tu vois. Yes. Donc, Suave Boy et Big Man, Pinkman, jusqu'à minuit, on est dans l'émission spéciale Radio Sud, 101.8, radiosud.net, comme d'hab. Et puis voilà, t'as une petite pause. Là, je te conseille de te reposer un petit peu, parce que ce qui arrive après... Séance de tacle. Tranquille, tu vois. Juste, prépare-toi un petit peu, il est 23h31. On est à peu près dans les temps, on a rattrapé le temps perdu. Donc là, je balance Suave Boy, Big Man, petite pause, tranquillou. Et on est toujours dans la 25e, 43 rue d'Arène à Besançon, Radio Sud. Ceux qui veulent venir nous voir, ouais, on est là jusqu'à minuit. Et ceux qui veulent venir après minuit, on se voit, on se voit. Vous nous connaissez, t'inquiète pas, Chao Jounes, Théo 2S, B-City, on est tous là. Il n'y a pas de problème et big up à Radio Campus en même temps. En passant, yes. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Raconte, j'espère qu'on n'a pas guillemant. Après une nuit, tu sens que je suis dans le bâtiment. Je fais entrer dans le club facilement. Bouge ton booty, je trouve ça fascinant. Tu dans ma vie, fais bouger des petites fêtes. Dans le FT, respecte pas la vitesse. Chassez qui se pète, la foule qui se disperse. On travaille dur, puis on reçoit mon witness. Je peux se mettre à 4 sur toi. Baby, t'inquiète, 3 pour se mettre à 4 sur toi. Baby, s'il te plaît, rassure-toi. Je m'en ouvre dans la voiture, non. Manteau, je n'aime même pas plus de toi. Grosse tête, grand stick, mon blaster. Grosse fias, grosse bif, grande tasse. Grosse stick, grosse taf, grand chip, on se bat. On se dit, on se trace dans le pif, on tape. On trip, oh, yeah. Grand humain n'est pas, on veut des bad bitch. Moins loin que ma tête. Oh baby, mama, pour les maisons pour faire la fête. Dur comme un robin, ça brise sur ma neck. Tu te mon space, je fais genre je t'aide. Je regarde mon en me disant il faut que je baisse. Tu veux me tester, je te fume comme mon père. On est la tête, je pose depuis le berceau. Quand j'espère qu'il n'y a pas qui ment. Après une nuit, tu sens que je suis dans le bâtiment. Je fais entrer dans le club facilement. Bouge ton booty, je trouve ça fascinant. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Je suis un big man, je vois tout comme Big Ben. S'il y en a qui se plaignent, dis bah vas-y qu'ils viennent. Du lin dans mes petites veines, cap mélange mille veines. La conque qui se traîne quand nous on arrive même. Oh, pas dans un rêve ni un batterie. Je crois toujours que j'ai plus de batterie. 4 heures j'ai besoin de ma gâterie. Devait se voir, on s'est barré. Tu sais qu'on sait que ta soeur nous écoute après l'école. J'ai pas fait de pack, c'est moi qui l'ai fait, t'es mal l'école. La grande à ma matrix me gâte, qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh, je suis dans la zip, on fait un kick, tout dans la zip, sort de ma kick, kick à la suite, sort dans la jeep, je suis dans les vies, j'allume un stick, hey. Double money back, tout est monnayable, hey. Richesse son étage, suis-moi comme à Houston. La désarme, on est calme, part tu connais pas. T'es sur la piste cyclable, j'suis au volant d'un douche. J'suis dans le système, j'suis pour une petite chaîne. Mes bouquets ils se prennent, ils foutent tous la migraine. Vous font prendre un petit train, c'est pas dit qu'ils aiment. Tous mes doigts qui se teignent, j'adapte comme dit yeah. Tous les bitches dans le drop top, tous les haters sur les fat. J'ai v'là le drug stock, puis m'enfuis dans un hot rod. Yeah, pour toi c'est game over, pour moi c'est le vrai bonheur. Je te parle sans tes codeurs, va faire chauffer le moteur. Je suis un big man, je vois tout comme Big Ben. S'il y en a qui se plaignent, dis ben vas-y qu'ils viennent. Du lin dans mes petites veines, cap mélange mille veines. La conque qui se traîne quand nous on arrive même. Pas dans un rêve ni un batterie. Tu crois toujours que j'ai plus de batterie. 4 heures j'ai besoin de ma gâterie. Devait se voir, on s'est barré. Tu sais qu'on sait que ta sœur nous écoute après l'école. J'ai pas fait de pack, c'est moi qui l'ai fait, t'es mal d'accord. La grande à ma matrix me gâte, qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh, oh, oh, oh. Radio la 25e. Tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. On est toujours là dans les studios de Radio Sud jusqu'à minuit pour l'émission de Pinkman. Oui, qu'est-ce qui se passe, mon ami Jules? Tu voulais que je te passe un bail? Du côté, on est à la radio, on peut faire des signes sans forcément. Ouais. Capte ou pas? Les bails de langage de signes. Ah tout ouais. Ça. Je veux juste le... Ouais. Je te donne ça tout de suite. Il y a des échanges de câbles jack qui sont en train de se passer. Tant que c'est pas des verres. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur, sur 101.8 ou radiosud.net. Pourquoi tu transpires? Parce que là, je suis en train d'emmêler tous les câbles de la radio, frère. J'ai peur. Voilà, c'est bon. Je te passe ça. Voilà. T'inquiète, Nickman, on arrive. Yes, on bricole, on bricole, on bricole. Écoute, moi, j'avais d'autres questions parce que je suis passé voir un petit peu les réseaux. Ouais. Et notamment YouTube. Mm-hmm. Notamment YouTube. J'ai regardé un peu tes clips, donc depuis Bodéine jusqu'à Minimum. Ouais. Et je guettais un peu les commentaires, tout ça, tu vois. Mm-hmm. Et j'ai fait une sélection de, okay. J'ai fait une sélection de commentaires qui me paraissaient bien à développer avec toi, tu vois. Ouais. Et, ouais. Et savoir ce que tu pensais aussi de ça, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, est-ce qu'on commence par ça ou est-ce qu'on commence par, par les appels Non, ou... non, parlons des réseaux, parce que moi aussi, j'ai vu des choses sur les réseaux. Ok. Yes. Ouais, vas-y, commençons par ça, commençons par ça. On va commencer par les réseaux, du coup. Donc, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Pinkman, je suis arrivé sur tes clips, tout ça. Et il y a 2 ans, sur Bodéine, il y a Dimitri Dechaux, je pense que ça se dit comme ça, qui t'a dit un mélange entre Hamza et Laylo, mais c'est sympa. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas déconnant. Laylo, j'ai bien écouté aussi pendant une période. J'écoute un peu moins aujourd'hui. Mais j'ai bien écouté, j'aime bien ce qu'il fait. Il est un peu avant-gardiste, je trouve, dans ce qu'il fait. Ils sont pas 10 000 à faire ce qu'il fait. Je pense qu'il va même influencer pas mal de monde dans les années à venir. Yes. Même si je pense qu'il est un petit peu sous-coté par rapport au travail qu'il fait, comme Hamza d'ailleurs, je pense. Yes. Ben ouais, de toute façon, j'écoute un petit peu les deux. Donc aujourd'hui, qu'on me compare à eux, ça me... Ouais, ça te dérange ouais, pas. Ouais, ça me dérange pas du tout. Non, okay. c'est bien même, ouais, pas de problème. Yes. Ok. Justement, Hamza, c'était revenu aussi sur... Ça revient souvent, Hamza. Ben, je crois que c'était sur Minimum, je crois que c'était revenu. Enfin, voilà. Ouais, c'est possible. Moi, je sais que, pareil, Hamza, je connaissais pas trop, en fait. Ouais. J'ai écouté un petit peu et... Et ouais, quand j'écoutais un peu, je disais, il y a un peu de ça. Moi, j'écoute Hamza depuis son premier projet. Et dès que j'ai lancé tes sons... C'est quoi que t'appelles son premier projet? C'est quoi que j'ai découvert avec quoi? Avec H24, son premier projet qui est sorti. H24. C'était encore pas son premier projet. C'était pas son premier? C'était pas son premier projet, mais oui, c'est on va dire... C'est son premier qui a buzzé, voilà, entre c'est le premier projet qu'il a mis sur le devant de la scène. Mais ouais. Et depuis, tous ces projets, je les ai écoutés. Et quand j'ai lancé ton son, en fait, bah, je me suis dit, ouais. De toute façon, musicalement, ou même les années passées, j'ai grandi en écoutant Hamza, en fait. Tu vois, j'écoutais beaucoup Hamza parce que je retrouvais chez Hamza. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve qu'il a mis longtemps à arriver au niveau où il est. Il aurait dû y aller aux États-Unis. Quand Drake vient faire une scène en France, il n'appelle pas des Niska, il n'appelle pas des Booba, il n'appelle pas des gars comme ça, il appelle Hamza pour faire sa première partie. Tu vois. Et Hamza, en fait, il est clairement en France sous-côté. Il serait aux États-Unis, il aurait déjà pété de fou, tu vois. Et en fait, je retrouvais dans Hamza ce que j'ai pu écouter dans le temps, que ce soit par le R&B, par sa manière de rapper, la manière de faire sonner les mots, la manière de... Ouais, donc franchement, ouais, moi, je kiffe bien, parce que Hamza, après, ça revient souvent. Et beaucoup de gens dans le milieu qui m'ont dit que ça s'apparentait. Après, généralement, ne le disent pas négativement, tu vois. C'est, okay. C'est ma sauce quand même. Oui, il y a de la place pour tout le monde, hein, de toute façon. Tout à fait, tout à fait. Il y a un an, sur Hack, il y a Coldplay. Coldplay, il t'a dit, il n'y a pas un son où t'as le même style, c'est ouf. Ouais, parce que Hack, c'est encore un peu dans la période où je me cherche, si tu veux, musicalement. C'est encore dans la période où je me cherche. La preuve en est, c'est que des morceaux comme ça, j'en ai refait qu'un. C'est sur mon dernier projet qui s'apparente, c'est... Attends, là, oh shit, il s'appelle le morceau. Ça s'y apparente, mais après, voilà, c'était de la recherche aussi, tu vois. Mais ouais, je comprends ce qu'il veut dire, le gars, c'est... Tous les morceaux sont différents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont différents. Okay. Maintenant, ça va rester. J'ai trouvé mon fil conducteur. Yes. Donc, on le retrouvera toujours plus ou moins maintenant. Mais c'est vrai que j'étais encore dans la période où je cherchais un petit peu ce que je voulais. Donc, là, on peut dire que maintenant, t'as vraiment une identité musicale. Je pense que, avec le prochain projet, je pense que l'identité musicale Pinkman ou Moneymaker, elle sera vraiment installée ce coup-ci. Okay. Je pense. Si, si. Je suis remonté un peu plus, ben, forcément, avec Jody. Donc il y a 3 mois sur le son Essentiel. Donc il y a The Lonely Guy, il t'a mis, donc c'est un petit pavé déjà. Ah ouais, c'est, il t'a mis, en vrai J'écoutais pas de rap français parce que je trouvais que le niveau était trop bas comparé au niveau américain. Mais ça, c'était avant. Vous êtes loin devant PNL. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, ça, c'est abusé. Enfin, être devant PNL, frère, faut. Tu vois, après, je peux comprendre. Moi, aujourd'hui, tu vois, par exemple, je mettrais Hamza loin devant PNL, tu vois. Si on parle de lui, on va pas parler d'autres artistes, on va parler de lui. Je mettrais loin devant PNL. C'est pas pour autant qu'en termes de chiffres. Après, c'est son avis, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont dû écouter le morceau qui se sont dit c'est éclaté, tu vois. Donc, ouais, c'est son avis. C'est cool. Je suis content d'entendre des gens dire ça, c'est cool. S'il y en a qui préfèrent mes sons à du PNL, frère, c'est cool. Ouais, c'est génial. Surtout que PNL aujourd'hui, c'est un nom. Donc, si jamais tu vas sur le clip de Essentiel, j'ai même verras. Pas. C'est possible. J'ai c'est peut-être vu. Non, mais je l'ai peut-être The Lonely Guy. The Lonely Guy, d'accord. Voilà, il y a trois mois, il t'a mis ça. Tu vois, j'ai noté ça. Pourquoi dit, ah ouais. Ça sonne comme PNL, c'est ça? Non, je pense que non. Peut-être qu'il y avait une sortie en même temps. Ou... Peut-être. Okay. Ouais, peut-être. Il y avait peut-être un bail comme ça, tu vois. C'est possible. D'accord. Pareil, j'ai continué. Bon, il y a 8 mois, sur Suave Boy, ouais. Il y a Trill Juice. Ouais. Trill Juice. C'est donc, que des Américains. Lui, je l'ai vu sur plusieurs bails, tu vois. Ouais. Mais là, il a mis un truc ça m'a sauté aux yeux, tu vois. Il a mis j'ai écouté ta mixtape et je dois vraiment dire que je suis surpris que t'aies pas plus d'exposition que ça. Ton projet est complet et quasiment aucun morceau ne sont bons à jeter. Bon boulot, vieux. Je te suis depuis le début et je serais fier de pouvoir dire que je t'ai écouté avant que tu exploses. Sois patient, c'est obligé qu'un jour ça arrive. Ouais. Bah, c'est cool. Bah, c'est cool parce que aujourd'hui c'est bien parce qu'il y a quelques commentaires comme ça, il y a quelques messages comme ça. Avant, c'était pas ça. Donc, c'est cool, tu vois. Je suis content quand je dis des trucs comme ça. Lui, j'ai vu, ouais, il a commenté pas mal de mes vidéos. C'est un bon gars. C'est cool. Je suis content qu'il me suive depuis le début. S'il sent qu'il y a une évolution, s'il pense que dans le projet, il n'y en a aucun acheté, c'est tant mieux. Après, moi, aujourd'hui, voilà, avec le recul, il y en a quelques-uns. Je me dis, tiens, j'aurais peut-être pas dû les mettre dans le projet. Après, sur le moment, c'est différent. Après, yes. quand t'écoutes un projet un ou deux ans après, tu te dis, tiens, celui-là, j'aurais peut-être pas dû le mettre. Après, c'est cool, s'il a validé, tant mieux. Moi, je suis content, bon, c'est bien qu'il y ait des gars comme ça. D'un côté, si tu valides à 100% ton projet, ben, t'as plus rien à faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ah ben, c'est sûr, ouais, je suis d'accord. Et on en vient au dernier clip d'il y a 2 semaines, donc minimum. Donc, c'est le même mec, Trill Juice. Ouais. Ouais, c'est ça, Trill Juice. Il met No Life, Virgin et Minimum. Point d'interrogation. Ouais, je sais. Ça sent l'album ou la mixtape là, non? Ouais, mais après j'en avais parlé, j'avais mis 2-3 messages subliminaux sur les réseaux, sur Instagram, etc. Normalement, il y a un projet qui va encore sortir cette année, donc ça aura fait 2 pour cette année. On recherche pour la distribution, enfin on regarde encore 2-3 trucs, il y a 2-3 trucs qu'on est en train de remettre d'aplomb pour essayer de faire mieux que les projets précédents, pas faire les mêmes erreurs. Okay. Il y a un truc, normalement, si tout se passe bien, j'espère le mois prochain, il y aura un projet qui verra le jour si tout se passe bien. Ouais. Yes. Exclusive. Brand new. Chaud. J'espère que c'est pas un stan, hein, quand même, le Trill Juice. Ouais, hein. justement. Moi, un quoi, tu dis? Un stan. C'est quoi, ça? Eminem. Ah ouais. C'est quoi un stan? Un stan, Eminem, tu connais pas le son stan d'Eminem? Ah si, quand il parle d'un fan qui lui envoie des... Voilà. Ah oui. Belek, il est juste derrière là-bas. Il va m'attendre. Donc attendez, excusez-moi, il y a Ulrich qui s'est mis autour de la table, donc Ulrich qui est aussi animateur d'une émission rap. Tous les dimanches de 17h à 19h, si je me trompe pas. Bien, de 18h à 19h, c'est B-City, c'est sur Radio Campus. 17h, c'est les vestiaires. 17 ouais, heures, c'est les vestiaires. Ouais, voilà. Nous, on a vu les vestiaires avant exactement, de voir le truc. Voilà. Après, on a dit n'importe quoi. Et il est avec le poteau DMV qui est là, qui est derrière, posé, on va dire, tranquillou. Là, juste vite fait, on parlait de Drill Juice, là. T'as dit, j'espère que c'est pas un stan. Moi, je suis assez fou, en fait. Et assez pervers, entre guillemets, pour me dire, ça se trouve, c'est simplement une invention de quelqu'un de ton équipe, tu vois, pour alimenter le truc. Le gars là? Ouais. Trill Juice là? Ouais. Ah, c'est toi, attends, je crois que ça. Non, non, c'est moi. Non, non, mais c'est juste moi dans ma folie puis dans ma perversité, je me dis, tu sais, pour créer le réseau, pour créer le truc, tu vois, pour animer le truc. Après, tu sais, animer le truc avec avec un commentaire, frère. Non, mais on sait jamais. Oui, peut-être genre sur le dernier message qu'il a lu avec les titres et puis dire ça annonce une mixtape pour un machin, ça peut. Après ça, si tu veux, tu vois, c'est comme ces derniers temps, j'ai reçu justement à cause de ça, à cause des messages subliminaux, tu sais, genre je mets des stories avec des morceaux. Je cache les noms, je mets des noms de mixtape, je mets des machins. J'annonce des sorties pour 2019, les gens ils savent okay. ils savent qu'il y a un truc qui va sortir. Okay, j'ai pas dit quand, j'ai rien dit, tu vois, pour le moment, mais ils savent qu'il y a un truc qui va sortir. D'accord. Voilà. Et juste tant qu'on est dans les réseaux, moi j'aime bien fouiller, regarder, compter, comparer, peser, sous-peser. Bref, je me suis amusé un peu avec tous tes trucs. C'est toi qui gères tes réseaux ? Instagram. Je suis juste sur Instagram. Facebook, non ? Facebook. Quand tu publies sur Insta, tu mets en même si, temps. Facebook, si, je mets les publications des clips. Ouais, si, si. Ok. Si, si, de temps en temps. Parce que je suis allé sur ton. On va commencer sur. J'ai commencé par regarder le nombre de vues que tu avais sur YouTube. Tu vois, je me suis dit, waouh. Cool. J'ai regardé le nombre de likes, de commentaires. Je me dis. Ok. Je suis passé sur un autre réseau. Je suis passé sur Facebook. J'ai regardé les publications, tout ça. Ça publie régulièrement les sorties des clips, etc. Oui, voilà, les sorties des clips, c'est ça. Du coup, là, j'ai commencé à peser. Je me dis, OK, là, on a tant de vues. Et quand je vais sur Facebook, je me dis, waouh, il n'y a que ça comme partage, il n'y a que ça comme like. Ouais, bah ouais. Je me dis, ça, on en a parlé justement avec mon manager. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on change. Parce que moi, en fait, si tu veux, les réseaux par lesquels je fais la publicité, c'est YouTube, c'est Google AdWords. Si tu veux. En gros, ça met mes clips avant d'autres vidéos, avant d'autres, tu sais, puis tu peux skip. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que si les gens n'interagissent pas avec la vidéo, s'ils restent dessus plus de 30 secondes, ça te compte une vue. Et si tu veux, ils peuvent pas aller directement commenter, liker, ils peuvent pas aller faire des trucs. Et ça, c'est vrai que lui m'en a parlé, il m'a dit ça, c'est quelque chose, va falloir le régler tout de suite parce que ça plombe tous mes chiffres sur YouTube, ça plombe tous mes chiffres. Après, si tu veux... Pas que sur YouTube, parce qu'en fait, le cheminement de base qu'on fait, c'est quand un artiste a un nouveau projet, le point de départ, en général, c'est Facebook. Facebook, Instagram. Ouais, ouais. Le truc où il envoie son public, etc. J'ai regardé sur Facebook, on a du 16 likes, 22 likes, 25 likes. Je me dis, je pars de 22 likes et j'arrive à 78 000 vues. Me dit il y a Facebook on met jamais rien dessus, on n'est pas assez actif, mais Facebook je pense que c'est un réseau que je vais t'amener à supprimer, mais tous les clips sont quand même partent de là quand même. Facebook et Insta, la principale publicité je la fais sur Insta quand même, la majorité c'est relié, de ma publicité ils sont reliés si tu veux, voilà, après je me suis dit OK, peut-être que Facebook pour les jeunes, c'est down Facebook. Et si tu veux, moi aussi, j'ai eu le même raisonnement que toi. Je me suis dit sur Facebook, j'ai pas d'interaction, j'ai pas de message comme sur Instagram. Si tu veux, c'est différent. Et donc, je suis allé comparer si tu veux avec d'autres artistes. Je sais pas si t'as regardé un petit peu des artistes qui font peut-être un petit peu plus de chiffres que moi, mais ils ont pas plus d'interaction que ça non plus sur Facebook quand tu regardes. On reçoit toi, donc du coup. Oui, non mais bien sûr, Après Facebook, c'est mort. Ouais, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Instagram. Sur les mêmes publications, ou une publication, je ne sais plus exactement quel clip, on avait 22 likes sur Facebook. Sur Instagram, j'en avais 178 et le clip, j'avais 78 000 vues. Je me suis dit, y a quand même Anguille sous Rush. Mais vu que tu me parles de Google AdWords. Ouais, de Google AdWords, ouais. Ok, ouais. Ça se justifie. Mais ça, faut bien le gérer. Ça se justifie. Après, juste, je vais finir, je suis un Dixa. J'ai regardé un peu tes followers. T'as 3036 followers ou un truc comme ça sur Instagram. J'ai fouillé un peu. Ouais. Par hasard. J'ai fait comme ça, tac, comme ça, tac. J'ai fait ça 10 fois. Bah, tu sais, ce que tu vas me dire, tu vas pas être le premier à le dire. Si tu veux, au début, quand j'avais commencé, il n'y a pas de cachette. Au début, quand j'avais commencé, j'avais essayé de booster sur Instagram, ces trucs-là. Moi, ça, je m'en suis jamais caché. Quand on parle, je m'en cache pas. Ok. Si tu veux. Et si tu veux, ça avait été un truc que j'avais payé pour plusieurs mois. Si tu veux, t'avais des trucs qui arrivaient comme ça. Si, ben ça après tu l'arrêtes. Une fois que t'as payé, tu peux pas l'arrêter si tu veux. Et tu peux pas les supprimer justement. Parce que je trouve que ça entache tout. Je sais. Mais si tu veux, c'est une erreur de jeunesse. Mais j'ai conscience que ça nique tout. Parce que ce que t'as fait, il y a des milliers de gens qui le font. Tu sais, d'aller dans les followers, moi je suis le premier à le faire aussi, tu vois. Et c'est un truc qui me fait bien chier. C'est un truc qui me fait bien chier. Et il n'y a pas possibilité de les supprimer. Tu peux pas les supprimer. Tu peux pas les enlever. Ah. Ou alors si tu peux, mais faut aller sur chaque compte, faut les bloquer. Je l'ai déjà fait plus d'une fois. Et y en a, je le fais de temps en temps, mais le truc, c'est qu'il y en a tellement. Il y en a beaucoup, parce que je m'amusais, j'étais avec quelqu'un. Franchement, je fais, regarde, c'est un Asiatique. Franchement, il doit en avoir, franchement, facile, 1000 gros, d'un or 1000. Ah non, mais oui. T'as cru que j'avais pas entendu ça. Quoi ? Ah non, mais excuse. Les bails d'Asiatique. Non, mais parce que ce qui s'est passé, c'est que je faisais comme ça. Ouais, au début, j'ai regardé les trois premiers, j'ai fait OK. Mais après, c'est pareil, je sais pas si t'as regardé sur les publicités, tu vois, sur les publicités Instagram, par exemple, quand tu fais ton ciblage vidéo. Tu vois, moi, généralement, je mets la France, la Suisse, le Luxembourg, etc. Et pas l'Asie. Non, bien sûr que non. Je parle sur les publications. Sur les publications, tu vois, tu vas regarder dans les likes, il y a majorité des Français, mais il y a beaucoup d'autres. Et ça, c'est pas moi qui l'ai voulu, tu vois, c'est dans la publicité. Bien sûr, tu vois, ça, parce que j'ai regardé qui likait, qui bien sûr, est, bien sûr. Et là, du coup, en fait, je me suis dit, bah ok, les gens c'est qui likent sont plutôt francophones. Il y a 2-3 anglophones, etc. Ouais, bien sûr. On s'en fout, ils kiffent le truc. Ça, de ce côté-là, c'est carré. Non, dans les likes, j'ai pas trouvé d'illégalité. Je peux rebondir deux secondes. Rebondissez, ouais. En même temps, je sais pas si t'as vu, je crois que t'es sur OKLM. Ouais, je suis sur OKLM, je suis d'abord. Mais ça peut justifier ces 18 000 vues et tout, tu vois. Bien sûr, ça peut justifier. Sans que. Non, mais si vous même voulez. Si, même s'il a 22 vues sur. Je sais pas. Sur Facebook, Facebook, ouais, je sais pas sûr. Quoi. Faut pas oublier que OKLM, c'est quand même suivi, tu vois. Ouais, mais c'est plus. J'ai eu cette exposition quand même avant OKLM, tout simplement grâce à Google AdWords. Non. Moi, c'est un truc sur lequel je mise beaucoup. Moi, je t'ai découvert sur OKLM, tu vois. D'accord, ok. Je me suis dit, tiens, je vais cliquer, c'est qui ça, tu vois. Oui, bah, je suis dans les talents OKLM, voilà. Effectivement, mais depuis pas longtemps. J'y suis depuis pas longtemps. Mais vu qu'on parle d'OKLM, tu sais, normalement, si. Enfin, ça amène de la masse vers ton projet, en fait, vers ton clip. Et la masse que ça amène, si tu vas que pour un clip. Toi, tu vas que pour un clip, mais si ça envoie 100 000 personnes, les 100 000 autres personnes, elles vont aller sur les autres projets. Enfin, ça va ramener forcément des vues pour les autres sons, oui, bien sûr. Et autres clips des autres personnes. Et ce que j'ai aussi remarqué sur tes sons, c'est que le clip il pète en nombre de vues, mais les audios on est à 200, 70, 65. Sur quoi ? YouTube. Ah oui, sur les audios, ah ben je suis bien d'accord avec toi, ça je sais. Et ça, je me dis aussi, mais c'est pareil, ça, c'est majoritairement les streams ils se font pas sur YouTube. C'est pareil, tu regardes par exemple le dernier projet d'Amza, l'extension qui est sorti sur YouTube aussi, il fait pas de chiffres sur YouTube. Je te parle de ça et j'ai vérifié. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai vérifié ça. Mais c'est pour ça que je te contredis pas. J'avais Hamza, je crois que j'ai encore la page. J'avais Hamza justement, je regardais par rapport à Hamza. Quand tu regardes par rapport aux 4-3 millions de vues qu'ils font, etc., c'est rien. Par contre, les streamings, si ça, effectivement, tu vas sur Deezer, iTunes, Spotify, tous les trucs là. Là, ouais, c'est pas pareil. Moi, je dis que par rapport à ça, il n'y a pas à chier. C'est une fois que tu seras sur scène, et on va voir si ton public est là. Et là, ouais, par rapport à ça, on va voir si tu vois, tes 22 likes ou bien tes 78 000 vues sont justifiées. Ouais, tu vois, est-ce que c'est réel ou pas, quoi. Voilà, si c'est réel ou pas. Parce qu'il n'y a qu'une façon de vérifier. Hein. C'est, c'est fois sûr, que c'est comme ça pour tout le monde. Hein. T'as qui devant toi. Voilà. Okay. C'est aussi simple que c'est ça. Donc, je vais juste. Quand on reçoit des gens, on a des appels cagoulés. Tu vois, c'est des gens qui nous appellent. En fait, il y a les appels masqués, puis après, il y a les appels. Là, ils sont cagoulés. C'est gang. Tu sais, les dièses 31 dièses, là, les trucs comme ça. Là. C'est des appels cagoulés. voilà. Quand ça sonne, au lieu de dire appel inconnu, c'est appel cagoulé. Ouais. J'en ai sélectionné quelques-uns. Je voudrais te les faire écouter, puis te juste avoir une petite réaction de ta part. Quoi. C'est bon ? Ouais, Pinkman. Ouais, Pinkman. Ouais, bien la famille, quoi. Ouais. Bref. J'ai vu que tu avais un contact pour les bookings sur ton Insta. C'est pour quel événement que tu t'es fait booker pour la dernière fois ? Merci. Le dernier événement où j'étais booké, c'était à Lyon. Comment ça s'appelle ? C'est sur un bateau. C'est une scène. Titanic. Non, c'est une scène. C'est un bateau. Titanic. La péniche ou un truc comme ça, c'était à Lyon. Ok. Voilà. Et genre c'est le bateau qui t'appelle, enfin le bateau. Non, c'est pas le bateau qui m'appelle. C'était un événement qui était organisé là-bas, puis on a été sélectionné pour l'événement, donc on y est allé. Voilà. Ok. Bah je te propose d'enchaîner sur une deuxième. Excuse-moi, j'ai un problème de jack. Tu vas l'entendre que à droite ou à gauche. Ouais, je l'entends qu'à gauche. Moi j'ai pas de problème de jack. Personnellement. Rempli. Le verre est toujours rempli. Oui, allô, la 25e. Bonjour, j'ai une petite question sur Pinkman, parce que je suis un peu, j'ai vu son clip avec Jeudi pas gentil, et je me demandais, est-ce qu'il est vraiment pas gentil, Jeudi pas gentil? Parce que je trouve qu'il a une voix de gentil, donc pourquoi il s'appelle pas gentil, Jeudi? Oh bah c'est un bon gars, je veux dire, c'est une bonne personne, droite, la tête mais sous les épaules. Il est vraiment pas gentil? Il est très gentil. Je pense qu'il peut être pas gentil si tu le cherches, mais comme tout le monde. Non, il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. Jeudi gentil alors. Jeudi gentil. Ok. Nouvelle chaîne YouTube. On lance ça. Allez, j'en ai encore. On est quoi? Il est 59. Allez, je t'en balance encore un dernier. Oui, bonjour, la 25e. Une question pour Pinkman. Attends, je vais mettre.